نعم بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va poursuivre là où on était la semaine avant, parce qu'on avait manqué la semaine passée à cause de la conférence. Donc cette semaine on va continuer inshallah. On était rendu à expliquer at-tatayyur, yani les mauvais présages, et puis qu'est-ce que yani l'islam dit à propos de ça, et de quelle façon ça rentre dans le shirk. Et puis on va continuer là où on était rendu inshallah. On va lire la parole que le cheikh a rapporté à propos de Ikrima. Le cheikh il dit: قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم خير خير فقال ابن عباس لا خير ولا شر فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر وكذلك سائر المخلوقات لا تجلب خيرا ولا تدفع شرا بذاتها. يعني لا parole de Ikrima c'est un des tabi'in, un des élèves des sahaba. Et puis il a dit: nous étions assis en présence d'Ibn Abbas. Donc Ibn Ikrima c'est un des élèves d'Ibn Abbas. Donc il dit: nous étions assis en présence d'Abdullah ibn Abbas et on a vu un oiseau passer, un oiseau qui criait, un oiseau qui passait en criant. Alors une des personnes de la qui était présente, on dit khair, khair, en voulant dire c'est bien, c'est bien, hein, parce qu'on sait que il y a des Arabes qui prenaient un mauvais présage à entendre, à voir un oiseau. Alors la personne qui était parmi eux a dit khair, khair, peut-être en voulant dire il ne faut pas penser que c'est quelque chose de mal. Il a dit c'est bien, c'est bien. Donc Ibn Abbas a entendu, lorsqu'il a entendu ça, lui il a dit c'est pas bien et c'est pas mal. La khair ou la char, c'est ni bien ni mal, hein. Alors le cheikh il dit, Ibn Abbas s'est précipité pour répondre à cette parole de cette personne, pour essayer de, pour pas que personne croit que cet oiseau avait une influence dans le bien ou dans le mal, et que c'était comme toutes les autres créatures, il n'y a pas de différence. Elle n'apporte pas de bien et elle ne rejette pas le mal par elle-même. Après le chef il dit, après j'avais mis une note en passant à propos de à ce sujet-là, pour donner comme exemple la mort, lorsque le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, je pense que c'est Ibrahim. Le jour de sa mort, il y avait, je pense, une éclipse. Il y avait une éclipse. Alors, il y en a parmi les sahaba qui ont dit, regarde, ya Rasulullah, le soleil est triste à la mort de ton fils, et donc il y a une éclipse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le soleil et la lune sont des signes d'Allah et ça n'a rien à voir avec la mort ou la naissance de quiconque. Et c'est comme en même temps pour nous faire comprendre que en réalité c'est des choses qui se passent comme ça, ça fait partie de la prédestination d'Allah et le fait que ce soit arrivé l'éclipse le jour de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était simplement une coïncidence que Allah avait prédestinée, mais que ça n'avait aucun rapport avec le fait que ça soit un signe de tristesse ou quoi que ce soit. Donc on voit que c'est de cette façon qu'on doit comprendre les événements qui se produisent dans la nature. Après le cheikh dit « Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuni al-fa'l thumma bayyanahu sallallahu alayhi wa sallam bi'annahu al-kalimatu al-tayyibah » وإنما أعجبه الفعل لأنه حسن ظن بالله والعبد مأمور أن يحسن الظن بالله والطيرة سوء الظن بالله عز وجل والتوقع البلاء ومن هنا جاء الفرق بينهما في الحسن لأن الناس إذا أملوا الخير من الله علقوا قلوبهم به وتوكلوا عليه وإذا قطعوا أمالهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر والتعلق على غير الله. Donc le cheikh il explique la parole du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il a dit et moi al-fa'l c'est comme lorsqu'il parlait de tayra et des autres choses la adwa wa la tayra. Et après il a dit wa yu'jibuni al-fa'l. Donc quand il a parlé des mauvais présages et des choses comme ça, il a dit ces choses-là n'ont pas d'effet en réalité. Tout ça c'est Allah qui le contrôle et qui le prédestine. Mais al-fa'l, je l'aime. Et al-fa'l, il l'a expliqué comme étant une bonne parole. Et en fait, comme le cheikh il dit, c'est toute bonne chose, une personne qui a un bon nom, une bonne parole, ou quelque chose qui t'inspire le bien. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça lui plaît? Parce que ça t'amène à avoir une bonne pensée à propos d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de penser que Allah va amener du bien. Et il faut toujours penser que Allah sallallahu alayhi wa sallam nous veut du bien, et qu'il veut nous amener du bien. D'accord? Donc c'est ça que c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que ça lui plaisait. Et le serviteur est ordonné d'avoir des bonnes pensées à propos d'Allah, de penser toujours du bien d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que at-tayara, de croire aux mauvais présages, c'est d'avoir des mauvaises pensées à propos d'Allah et de croire que Allah sallallahu alayhi wa sallam nous veut du mal. Et que du mal va se produire ou quelque chose comme ça. Et c'est de là que vient la différence entre al-fa'l ou al-tayara, le mauvais présage et avoir un bon pressentiment ou quelque chose de ce genre. Donc, après le chef, il dit, lorsque les gens, dans leur cœur, ils ont un bon espoir, un espoir que Allah subhanahu wa ta'ala va amener du bien, alors ils accrochent leur cœur au bien. Et ils mettent leur confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et ils accrochent leur cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, dans leur foi et dans leur espérance. Tandis que lorsque ils perdent l'espoir et ils ont perdu l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça amène les gens à accrocher leur cœur à autre que Allah et à penser au mal. Après, le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ليس في الإعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب فكان يحب الحلوى والعسل ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. Donc, le chef, il cite les paroles de l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit, il n'y a rien dans le fait d'aimer Al-Fa'l, ou d'avoir un bon pressentiment à propos de quelque chose, et d'aimer, il n'y a rien dans ça qui a rapport avec le shirk. Ça n'a rien à voir avec le shirk billah, d'associer Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose dans notre adoration. Et la raison pourquoi ça n'a rien à voir avec le shirk, c'est que le shirk, il dit que ça, c'est qu'est-ce qui implique la nature, et que ça fait partie de même la nature humaine, d'aimer le bien. Parce que le shirk, il dit tout, l'être humain pense toujours vers qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est bien, et qu'est-ce qui inspire le bien. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lui-même lorsqu'il a dit que il a trouvé de bon dans cette dunya. حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de votre dunya, j'ai aimé deux choses, les femmes et le parfum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aimé de cette dunya des choses qui sont bonnes, le parfum c'est une chose qui est bonne, et les femmes ça fait partie aussi des choses de la dunya qui sont bonnes. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait les choses sucrées, et aussi il aimait le miel, et il aimait les personnes qui récitaient le Coran avec une belle voix, et il aimait aussi entendre le adhan qui est appelé avec une belle voix. Et il aime aussi les caractères, les personnes qui ont un bon caractère, une belle personnalité et un bon comportement. Donc tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aimait. Et en général, il aimait toutes choses qui étaient bien et bonnes et qui amenaient au bien. Donc c'est de ce sens-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait qu'est-ce qu'on appelle al-fa'l. Après le chef, il dit « والله سبحانه قد جعل في غرائز الإنسان الإعجاب لسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنية والبشرى والفوز والظفر. فإذا قرأت هذه الأسماء استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضبابها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها كذلك، وآثار خوفا وطيرة وانكماشا وانقبابا أما قصدت وعزمت عليه فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك. انتهى كلامه رحمه الله. Donc ce qu'il dit ensuite, le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans l'être humain le fait que il aime toujours entendre les beaux noms, et il aime les beaux noms aussi. Et les âmes penchent toujours vers, tendent toujours vers ces noms-là. Et il a fait que lorsqu'on entend les noms qui ont du bien dedans, eh ben, l'être humain, il va sentir une sorte de joie, son cœur va s'ouvrir à ces noms-là. Par exemple, si on entend des choses comme qui ont rapport avec le succès, la paix, la joie, le succès, des choses comme ça, ça nous amène du bien. Et puis, on peut voir l'effet que les noms ont sur les personnes, juste à entendre des termes. Souvent, on va écouter la télévision ou les nouvelles. Et si on va parler des musulmans, si on entend, même n'importe qui va entendre certains, wa alaykum salam, Allah, n'importe qui va entendre certains noms et automatiquement il va se sentir agressé par ces noms-là, même s'il ne sait pas ce que le mot signifie. Parce qu'il y a des mots comme ça que, qui nous dérangent, hein. Par exemple, on va entendre, il y a des mots comme terroriste ou, je sais pas, Bush ou, non, mais c'est juste des exemples. Intégristes, fondamentalistes, islamistes, des mots comme ça. La plupart des gens qui écoutent les nouvelles ici ou ailleurs, ils savent même pas ce que ces mots-là signifient. Mais juste par les entendre, ils savent que c'est quelque chose qui est pas bon. Et donc, c'est ça que les médias utilisent, yani, pour faire comprendre aux gens, yani, pour faire peur à certaines personnes, ou pour éloigner les gens d'une chose en particulier. Ils vont pas entrer dans les détails et expliquer qu'est-ce que c'est la chose, mais ils vont seulement utiliser un terme ou un nom qui va faire que les gens vont détester cette chose-là instinctivement, sans même savoir qu'est-ce que ça signifie. Maintenant, tu as juste à dire à quelqu'un nazi, par exemple, et automatiquement, il y a une pour faire comprendre à quelqu'un que c'est quelque chose de mal. Les gens qui ont fait les chiens, et que, à chaque fois qu'ils entendaient la cloche, que la même chose. C'est ça, ils combattaient. Ah, mais c'est ça, Pavlov. C'est ça. Et il a comparé ça, il a fait le parallélisme avec la télévision, quand les gens sont musulmans. Oui, c'est vrai. Subhanallah. Ça peut avoir un lien avec ça, justement, Al-Fa'al. Mais, comme le père m'expliquait à propos du conditionnement, là, c'est réel ces choses-là, parce que c'est quelque chose qui agresse et qui, quand on les entend, ça dérange. Et ça montre en même temps que les humains aiment entendre les beaux noms et les belles choses. Lorsqu'ils vont décrire quelque chose de bien, lorsqu'ils vont décrire quelque chose qui a rapport avec l'islam, ils vont le décrire avec des mots qui nous font sentir mal, mais quand ils vont parler de leurs idéologies et leur système, ils vont les décrire avec des mots qui inspirent aux gens le bien, comme par exemple l'égalité, la justice, le droit, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on les entend, bon, on se sent en paix. Mais quand on va entendre des termes comme par exemple terroriste, ou ça, automatiquement ça nous fâche. Donc, ça c'est juste pour donner un exemple à propos de ce que le chef dit, pour nous faire comprendre. Donc, comme le chef il dit, exactement comme il dit, lorsqu'on entend des choses qui sont mauvaises, eh bien, ça crée en nous le contraire de qu'est-ce que les beaux noms créent en nous, ça nous fait sentir de la tristesse, et parfois même ça peut créer en nous de la crainte, et puis nous faire sentir un certain mauvais pressentiment à propos de quelque chose. Donc ça peut même pouvoir nous faire perdre notre volonté de faire quelque chose. Parfois on a envie de faire quelque chose, mais on entend ces choses-là, puis ça nous décourage, ça nous éloigne de ça. Donc ça nous amène un mal dans notre vie, ici-bas, puis aussi dans notre foi, ça nous diminue parfois notre foi. Donc, ça c'est le commentaire du cheikh Ibn al-Qayyim. Ensuite, le cheikh, il mentionne un hadith. Il dit, « وفي الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. Donc après le chef il dit, تضمن هذا الحديث الشريف أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه وأما من لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك فقد عاقبوا بالوقوع فيما يكره لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله. Donc ça, le cheikh il explique, il mentionne un hadith qui est rapporté dans le Sunan de l'Imam Ahmad, Musnad de l'Imam Ahmad, selon Ibn Amr, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui que le mauvais présage le fait retourner de ce qu'il veut faire, le détourne de ce qu'il veut faire, le repousse de ce qu'il veut faire, alors celui-là il a commis le shirk. Faqad ashra. Alors les sahaba ont dit, et qu'est-ce que c'est l'expiation de ça? Comment on fait pour effacer ce péché-là si on l'a commis? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu dois dire, ô Allah, il n'y a pas de bien excepté ton bien, et il n'y a pas de mauvais présage excepté, ou bien le terme exact, c'est il n'y a pas d'oiseau excepté que ce soit le tien, et il n'y a pas de divinité excepté toi. Ou rien ne mérite d'être adoré excepté toi. Donc, dans le sens que, comme on avait expliqué au dernier cours, les Arabes avaient pris dans les oiseaux un mauvais présage. Hein? Et donc, lorsqu'ils voyaient ça, ça leur donnait un mauvais présage, et si l'un d'entre eux voulait sortir, aller faire quelque chose, et qu'il voyait un oiseau, alors il disait, bon, étant donné que je vois cet oiseau, et que c'est un mauvais signe, ça nous amène un mal, alors je reviens, je retourne chez moi, je ne vais pas faire ce que je voulais faire. Donc, le prophète Rasulallah nous a enseigné de dire, oh Allah, il n'y a pas de bien excepté, le bien qui vient de toi, il n'y a pas d'oiseau excepté que ce soit à toi, et il n'y a pas de divinité à part toi. Donc, quand on dit ça, il faut savoir que tout ce qui arrive dans le monde, c'est prédestiné par Allah, et donc on doit mettre notre confiance à Allah et ne pas se laisser influencer par les mauvais présages et de continuer son chemin. Donc, si par exemple, ici, bon, la société, ceux qui ont grandi ici, on le sait, mais la société ici est remplie de superstitions de ce genre, est remplie aussi de mauvais présages de ce genre, et peut-être que c'est pire encore que ce qui existe dans les pays musulmans, selon ce que je pense. Je n'ai jamais vraiment eu la chance de discuter avec les musulmans là-dessus, avec des musulmans là-dessus, mais je sais que depuis mon enfance ici, les gens ont beaucoup de mauvais présages. J'en avais mentionné quelques-uns, on appelle ça des superstitions en fait. Si par exemple, c'est un vendredi 13, ben, on doit faire attention parce que c'est un jour qui porte malchance. Hein, ça existe. Dans beaucoup d'hôtels ou des grands édifices, on trouve pas l'étage numéro 13. Et, parce que, justement, ça inspire une malchance pour eux. Donc, ça c'est un exemple. Il y a aussi le fait, par exemple, des chats noirs, les miroirs qu'on brise. Si on brise un miroir, il croit que ça amène une malchance ou des choses comme ça. Donc, c'est des choses qui continuent à exister, même dans la société ici, parce que les gens sont très superstitieux, malgré leur apparence sur le plan technologique ou scientifique. Bon, ils ont l'air d'être avancés là-dessus. Mais le fait, c'est que c'est seulement le tawhid, la foi en l'unicité d'Allah, qui peut purifier le cœur de l'homme et enlever ses superstitions du cœur. La simple connaissance scientifique, l'évolution technologique, sans la connaissance d'Allah, ça ne peut pas purifier le cœur des hommes et enlever de leur cœur les superstitions qu'ils ont. C'est seulement la connaissance correcte d'Allah et de son unicité qui peut purifier nos cœurs de ces choses-là, d'accord? Donc c'est pour ça que, alhamdulillah, avec l'islam, avec la foi en Allah, on est capable de s'éloigner de ces superstitions-là puis revenir au tawhid, de croire que tout vient d'Allah et contrôlé par Allah. Donc le cheikh il dit, ce hadith-là implique que les mauvais présages ne peuvent nuire celui qui les déteste mais qui continue dans son chemin. Voilà. en ce qui concerne celui qui n'a pas été sincère dans sa, dans le fait de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et qui a été, qui a suivi le shaitan dans ça, alors celui-là, par exemple, il voit le mauvais présage, il change de chemin ou il retourne. Alors celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut le punir par faire arriver ce qu'il a craint. Parfois, par exemple, il a craint un mauvais présage, et Allah subhanahu wa ta'ala, pour le punir de ça, il fait que ce mauvais présage lui arrive, en réalité. Pourquoi? Parce qu'il s'est détourné de ce qui est obligatoire pour lui, yani, en ce qui concerne la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh dit هذا ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالإيمان والتوكل عليه ويجنبنا طريق الشر والشرك إنه سميع مجيب. Donc c'est un dua que le Cheikh fait et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner sa, la foi et la confiance en lui, de mettre notre confiance en lui. Et de nous éloigner du chemin du mal et du shirk, et celui qui entend et qui répond à tout. Après, on rentre à un autre, on entre dans un autre sujet, et c'est le sujet de l'astrologie. L'astrologie, on va expliquer maintenant qu'est-ce que ça signifie comme le shirk, qu'est-ce que le shirk, comment il a expliqué. التنجيم وهو كما عرفه بعض المحققين بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار وحدوث الأمراض والوفيات والصعود والنحوص وهذا ما يسمى بعلم التأثير. فهو على نوعين. النوع الأول أن يدعي المنجم أن الكواكب فاعلة مختارة وأن الحوادث تجري بتأثيرها، وهذا كفر بإجماع المسلمين، لأنه اعتقاد أن هناك خالقا غير الله، وأن أحدا يتصرف في ملكه بغير مشيئته وتقديره سبحانه وتعالى. والنوع الثاني الاستدلال بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها على حدوث الحوادث، وهذا لا شك في تحريمه، لأنه من ادعى علم الغيب وهو من السحر أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح وصححه النووي والذهبي ورواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما. والسحر محرم بالكتاب والإجماع، والإخبار عن الحوادث المستقبلية عن طريق الاستدلال بالنجوم من ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه فهو ادعاء لمشاركته سبحانه بعلمه الذي انفرد به، وتصديق لمن ادعى ذلك، وهذا ينافي التوحيد لما فيه من هذه الدعوة الباطلة. Donc le Cheikh il explique, et je commence à expliquer comment qu'est-ce qu'il a dit. Il dit At-Tanjim, l'astrologie, c'est tel que ça a été défini par les ulama, c'est-à-dire de prendre les étoiles comme une référence pour comprendre ou pour expliquer les événements qui vont se produire sur la Terre. Comme par exemple, les moments où le vent va souffler ou la pluie va tomber, ou pour savoir quand est-ce qu'il va faire chaud ou quand est-ce qu'il va faire froid, ou essayer de savoir quand est-ce que les prix vont changer, les prix de dans le commerce, dans le commerce, ou bien de savoir quand les maladies ou les décès vont se produire ou des choses de ce genre. Donc le chef il dit c'est ce qu'on appelle aussi ilm al-ta'thir, c'est-à-dire la science des effets, cause, effet, je sais pas quoi. Donc Donc c'est comme ça qu'ils appellent ça en arabe, ilm al-ta'thir. Et le cheikh il dit que ce sujet-là, ou ce l'astrologie est divisée dans ce sens-là en deux catégories. Et il dit la première catégorie c'est que l'astrologue ou l'astrologiste, la personne qui se base sur les étoiles, qui étudie les étoiles dans ce sens-là pour essayer de comprendre les effets que ça peut avoir sur les êtres humains ou sur la Terre, la personne qui fait ça, l'astrologue, elle prétend que les étoiles agissent d'elles-mêmes, elles ont un choix, elles sont capables de contrôler ou de savoir qu'est-ce qu'elles font, et que les choses qui se produisent sur la Terre arrivent et sont influencées par ces étoiles sur Terre. Et le cheikh il dit que ça, c'est conforme selon l'unanimité des savants de l'islam et des musulmans. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que si tu crois en ça, qu'il y a autre que Allah subhanahu wa ta'ala qui est créé dans le monde, et que quelqu'un d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala peut organiser le monde sans que ça fasse partie de sa volonté et de sa prédestination. Donc, celui qui croit de cette façon que les étoiles ont un effet sur les choses de la Terre et qu'elles peuvent avoir une décision dans ce qui se passe sur la Terre, alors ça, automatiquement, bien sûr, c'est coffre. Il y a une deuxième catégorie que le chef mentionne, et il dit « وَالنَّوْ عُسْتَانِي الْاِسْتِدْلَالُ بِمَثِيرِ الْكَوَاكِبِ » Donc, tu te bases sur les trajectoires des étoiles et le moment où elles se réunissent, où elles se séparent pour essayer de prédire certains événements qui vont se produire dans l'avenir ou des choses comme ça. Et le cheikh il dit, il n'y a pas de doute que ça c'est haram, parce que ça fait partie même de prétendre connaître des connaissances des choses de l'invisible, et aussi que ça fait partie de la magie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a pris une partie des étoiles, une branche des étoiles, c'est-à-dire une branche de la science des étoiles, alors il a pris une branche de la magie, qui a rapport avec la magie. Ça a été rapporté par Abu Daoud, avec une chaîne de narrateurs authentiques, et ça a été authentifié par l'imam al-Nawawi et l'imam al-Zahabi, et aussi ça a été rapporté par l'imam Ibn Majah et Ahmad et d'autres que ces deux-là aussi. Et comme on sait, comme on en a parlé plus tôt aussi dans le Dars et dans les cours précédents, à Sihr on sait que c'est haram selon le Coran et la Sunna et selon l'unanimité des savants, et le fait d'annoncer des événements qui vont se produire dans l'avenir aussi, en se basant sur les étoiles, ça fait partie de prétendre connaître des connaissances de l'invisible ou des choses que Allah subhanahu wa ta'ala connaît de Al-Ghayb, et donc ça, c'est comme si on prétend partager avec Allah subhanahu wa ta'ala une connaissance de l'inconnu, et ça c'est une des attributs qui appartiennent uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne partage avec personne. Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple dans le Coran, عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il est عَلِمُ الْغَيْبِ, il est celui qui a la connaissance de l'inconnu, et il ne fait connaître l'invisible ou l'inconnu à personne, sauf à certains de ses messagers qu'il a agréés. إِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ. Donc, personne connaît l'invisible, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et les prophètes non plus, ne connaissent pas l'invisible, et s'ils connaissent quelque chose, de certaines choses de l'invisible, c'est uniquement d'après ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de connaître et de savoir à propos de l'invisible. Mais eux, ils ne connaissent pas, l'anbiya, ils ne connaissent pas l'invisible. Et encore moins, les chouyours et les autres personnes qui sont parmi les salihins après Al-Anbiya. Eux, encore moins connaissent Al-Ghayb. Et il y a beaucoup de ayats dans le Coran dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui ordonne de dire aux gens que s'ils connaissaient le Al-Ghayb, il aurait amené beaucoup de bien pour lui-même et aucun mal ne l'aurait atteint. Il y a un ayat dans le Coran comme ça, en arabe, dans le Coran, mais je ne me souviens plus exactement des mots en arabe. Mais il y a peut-être, si on connaît l'ayat, si quelqu'un s'en souvient, je peux le mentionner. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. Ça c'est une partie de l'aya, non? L'aya au complet, je ne me souviens plus. Donc ça c'est la signification. Ben, c'est ça. Donc on ne peut pas prétendre connaître quelque chose de l'avenir. Et celui qui prétend ça, il a nié son tawhid et il a prétendu quelque chose de faux. Après, il mentionne les paroles de l'imam al-Khattabi et il dit « علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان أوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغيير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب ومجريها ومجاريها واجتماعها وافتراقها ويدعون أن لها تأثيرا في السفليات وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر به الله ولا يعلم الغيب سواه. Donc le Cheikh Al-Khattabi, il résume ça et il explique et il dit que la science des étoiles, yani, l'astrologie, qui est interdite, c'est le fait de, yani, c'est ce que les astrologues prétendent et qu'ils appellent yani, la science des étoiles ou des événements. Et ils pensent qu'ils connaissent yani, à partir de ça, qu'est-ce qui va se produire dans l'avenir, dans le temps futur. Comme par exemple, quand va venir le vent, ou quand va venir la pluie, ou quand les prix vont changer. Et yani, des choses de ce genre. Et ils croient que, en connaissant les trajectoires des étoiles, et quand est-ce qu'elles vont se rassembler à certains points, et à quel moment elles vont se séparer, ils croient que ça a un effet sur les choses de ce monde, de ce bas monde. Et yani, ça, le chef il dit que ça fait partie de prétendre yani, connaître l'invisible ou l'inconnu et donc de connaître une science que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît car personne autre que lui n'a connaissance de l'invisible. Après, il mentionne le chef un hadith rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih et il dit قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث الأول زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى كلامه. L'imam al-Bukhari, dans son sahih, il mentionne la parole de Qatada, et Qatada c'est aussi un des tabi'in, donc un des élèves des sahaba. Et Qatada, il a dit dans le sahih, que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les étoiles pour trois raisons, les salas. La première raison c'est Zinatan Mishama, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les étoiles pour embellir le ciel. Ça, c'est la première raison. Subhanallah. Et ça me fait rire aussi parce que quand on regarde le ciel, bon, ici, on ne voit pas beaucoup les étoiles parce que, à cause de la lumière de la ville. Donc, ça nous empêche de pouvoir admirer le ciel et les étoiles. Mais quand on va dans un endroit éloigné de la ville et qu'on regarde le ciel, on voit vraiment le ciel au complet et on voit les étoiles. C'est vraiment incroyable. Et puis la première fois que j'ai vu le ciel avec les étoiles, quand j'étais en Arabie Saoudite, je m'en allais en Mecca, et c'était la nuit, et puis on s'est arrêté au bord de la route. Et quand j'ai vu le ciel, j'ai eu un peu peur, parce que je n'étais pas habitué de voir tant d'étoiles. Mais pourquoi je dis ça, c'est parce que les kuffars, ils disent que la nature, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. C'est exactement ça. Ils disent que c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Alors pourquoi c'est beau, Yanni? Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi quand on regarde le ciel, on trouve une beauté? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé les choses belles? Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit justement, qu'il a mis les étoiles dans le ciel pour en bénir le ciel, Subhanallah. Donc ça, c'est juste une note en passant. La deuxième raison pourquoi il a mis les étoiles, il a dit, c'est Urduman Shayatun. C'est pour lapider les diables, comme on a expliqué que, ils vont essayer de monter dans les cieux pour essayer d'écouter les informations qui sont transmises entre les anges dans le ciel, pour essayer de voler ces informations-là pour les révéler à certains magiciens ou devins ou médiums ou charlatans. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur eux des étoiles filantes, il faut les brûler. Et la troisième raison pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les étoiles, c'est alamatun mustadabiha, c'est des signes qu'il a mis dans le ciel pour qu'on puisse se guider dans la nuit et quand on est en mer ou sur la terre et qu'on veut savoir dans quelle direction on s'en va, on peut regarder les positions des étoiles pour être capable de se diriger. Donc ça, c'est les raisons pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les étoiles. Et après, il dit, celui qui essaie de trouver quelque chose autre que ces trois raisons, qui essaie d'utiliser les étoiles pour autre que ça, alors il a fait une erreur, il a perdu sa part, et il a essayé de chercher quelque chose dont il n'a aucune connaissance. Alors, c'est ce qu'on peut dire en fait, que c'est la différence entre l'astrologie et l'astronomie. Le fait d'étudier les étoiles, l'astronomie, ça c'est une science qui est utile parce que ça peut nous aider à savoir les positions des étoiles pour se diriger dans la nuit ou pour calculer ou des choses de ce genre. Mais en ce qui concerne l'astrologie, le fait de croire que, par exemple, les signes zodiaques et les constellations et tout ça, on dira Verseau, Gémeaux, Capricorne, Sagittaire, et tu lis ton horoscope et tout ça, et tu crois que l'astrologue a une connaissance de l'avenir ou des choses comme ça. Alors ça, bien entendu, que c'est batelien et que c'est faux. De croire que ces gens-là ont cette connaissance, là, ça rentre dans le chef de l'Allah, comme on a expliqué. Après, le chef dit, « وَأَخْرَجَ الْخَطِيبُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إن أناسا جهل بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم وما علم هذه النجوم بهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit, وأخرج الخطيب البغدادي, il a rapporté selon Qatada qu'il a dit que parmi les, il y a des gens ignorants qui ont inventé à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des gens qui sont ignorants des choses qui ont rapport avec Allah, ils ont inventé à propos des étoiles une sorte de kahana, le fait de une sorte de voyance ou de des gens qui prétendent connaître l'avenir. Alors, ils ont dit, par exemple, celui qui se marie dans cette étoile, lors, au moment de ce, que cette étoile sort, alors il aura telle ou telle chose. Et celui qui voyage sous telle étoile, alors il aura une autre, telle ou telle affaire. Celui qui, par exemple, donc c'est ça, ils donnent des exemples pour que, qu'est-ce que certaines personnes disent. Alors, le Qatada Abdi, il sert, il dit, il n'y a pas une étoile en réalité, sauf, il n'y a pas une étoile qui apparaît, sauf que lorsqu'elle apparaît, il y a des gens qui sont, qui naissent, qu'ils soient rouges ou noirs, ou qu'ils soient grands ou courts, ou beaux ou laids. Dans le sens que, il y a beaucoup de gens qui naissent en même temps que cette étoile peut sortir. Et tous ces gens ont tous des apparences ou des conditions différentes. Donc, comment on pourrait dire, par exemple, si on dit que le Gémeau, c'est dans le mois de mai, juin, donc toutes les personnes qui vont lire leur horoscope parce qu'ils sont nés dans le mois de mai ou dans le mois de juin, ils vont avoir cette chose que le Munajjim ou l'astrologue a prédit. Pourtant, pour les gens qui sont nés dans ce mois-là ou sous cette étoile, eh bien, ils ont tous des destins différents et des situations différentes. Il y en a parmi eux qui ont du bien, il y en a à qui il leur arrive du bien, il y en a d'autres à qui leur arrive du mal dans leur vie, et malgré qu'ils sont tous nés sous la même étoile. Donc, il y a le fait de penser que ces étoiles-là ont un rapport avec le bonheur ou le malheur des gens ou de quoi que ce soit de ces choses-là, alors il n'y a pas de doute que c'est un mensonge. Qu'est-ce qu'il raconte, ces gens-là, puis après il dit, ces étoiles-là n'ont aucune connaissance des créatures qui sont sur la terre, ni des animaux, ni des oiseaux, ni de rien. Et tout ça, ça fait, ils n'ont aucune connaissance, les étoiles n'ont aucune connaissance non plus du rêve, bien de l'invisible. Et si quelqu'un devait connaître le rêve, alors ce serait Adam, celui que Allah a créé de sa main et qu'il a fait que les étoiles se prosternent devant lui, et Allah lui a appris les noms de toutes choses. Alors, le chef, il dit, oui, ses anges se sont prosternés à lui. Asjada lahu malaikata wa 'allamahu asma'a kulli shay. Donc Allah a appris à Adam le nom de toutes choses. Et donc si il devait apprendre à quelqu'un, la'allamahu Adam. Mais il n'a même pas appris le ghaib à Adam. Donc personne connaît le ghaib excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Le chef il dit ensuite, أقول ومن الخرافات الباطلة ما يروجه الدجالون في بعض الصحف والمجلات من ذكر البخت والنحوس والسعود ويعلقون بذلك بحسابات البروج والنجوم ويسبق به بعض السذج. Donc c'est exactement de quoi on a parlé. Le cheikh il mentionne justement qu'est-ce que certains parmi nous, les Dajjalim, les égarés, qu'est-ce qu'ils mettent dans les journaux, les magazines, des horoscopes, des choses de ce genre. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont naïfs et qui croient en ces choses-là et ils pensent que ça c'est vrai. Alors, le chef, il dit, en même temps, il mentionne ça pour qu'on fasse attention, pour pas qu'on croit à ces choses-là. Après, il mentionne les paroles du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah, dans son livre Fathul Majid, qui est l'explication du livre Kitab al-Tawhid, écrit par l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Alors, il dit, Abdurrahman ibn Hassan, فَإِنْ قِيلَ الْمُنَجِّمْ قَدْ يَسْدُقْ قِيلَ صِدْقُهُ كَصِدْقِ الْكَاهِمْ يصدق في كلمة ويكذب في مئة وصدقه ليس عن علم بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه Donc, qu'est-ce qu'il dit le chef? Il a dit, peut-être que quelqu'un vous, pourrait dire que l'astrologue, parfois, dit la vérité. Il se peut que parfois, il dise quelque chose et que ça arrive. Alors, le chef, il dit, qu'est-ce qu'il dit de, qui est vrai? C'est semblable à qu'est-ce que le voyant ou le médium peut dire. C'est de la même catégorie. C'est-à-dire qu'il peut dire une chose vraie, une parole vraie, alors qu'il ment pour une centaine d'autres. Donc, il dit une centaine de mensonges, mais parmi les mensonges qu'il dit, il y en a une chose qui est vraie. Alors, peut-être que qu'est-ce qu'il y a une, quand il dit quelque chose de vrai, ce n'est pas selon une connaissance qu'il a, mais c'est juste que c'est une coïncidence, comme on dit. Qad wafaqa qadran. Sans faire exprès, il a dit quelque chose qui entrait en accord avec le qadar. Alors, c'est devenu une fitna pour la personne qui l'a cru. Ou qui a cru en qu'est-ce qu'il a dit. Après, qu'est-ce qu'il dit, le chef, il dit, parle. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم كقوله من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وجاء عن حياء وجاء وعن رجاء ابن حياء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيث الأئمة وحيث الأئمة. Donc le cheikh il mentionne des paroles de l'imam Abdurrahman ibn Hassan et il dit il y a des hadiths qui sont mentionnés du prophète صلى الله عليه وسلم qui viennent rejeter la science de l'astrologie. Comme par exemple le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure, celui qui prend une des branches des étoiles, alors c'est comme si il a pris une des branches de la magie. Et après, il a mentionné un autre hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les choses que je crains pour ma umma, c'est les gens qui croient aux étoiles, et qui nie al-qadar, mais حيث الأئمة, je ne sais pas ce que ça signifie, c'est rapporté par Ibn Humayd. Donc je vais rechercher là-dessus, puis après je vais pouvoir vous répondre ou vous expliquer ce que ça signifie, Inch'Allah. Après, le chef il continue et il dit, أما الاستدلال بالنجوم لمعرفة الاتجاه في الأقطار في البر والبحر فهذا لا بأس به وهو من نعمة الله عز وجل حيث يقول سبحانه وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر في سورة الأنعام أي لتعرفوا بها جهة قصدكم وليس المراد أنه يهتدي بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne le fait de prendre dans les étoiles la connaissance de la direction dans notre voyage, que ce soit sur la mer ou sur la terre, alors il dit il n'y a pas de problème à faire ça. Et ça fait partie des miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala et des bontés d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et c'est celui qui a fait les étoiles pour vous, qui a mis les étoiles pour vous guider lorsque vous êtes dans les ténèbres dans la mer ou sur la terre. Et quand vous êtes dans l'obscurité, vous utilisez les étoiles pour vous guider. Et le cheikh il dit, c'est dans le but de connaître la direction dans laquelle vous vous en allez, et non pour, dans le sens que de connaître, de vous guider vers la connaissance de l'invisible, comme les astrologues peuvent prétendre. Après, le chef il mentionne les paroles de l'imam al-Khattab qui dit وَأَمَّا مَا يَتَّدِلُّ بِهِ مِنَ النُّجُومِ عَلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّهَا كَوَاكِبْ رَصَدَهَا أَهْلُ الْخِبْرَةِ مِنَ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ لَا نَشُكُّ فِي عِنَايَتِهِمْ بِأَمْرِ الدِّينِ وَمَعْرِفَتِهِمْ بِهَا وَصِدْقِهِمْ فِيمَا أَخْبَرُوا بِهِ عَنْهَا مثل ما يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، إدراكنا ذلك بقبول خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. Donc le cheikh il explique et il dit que en ce qui concerne yani, le fait de prendre les étoiles comme pour savoir la direction de la Qibla, donc il dit que ce sont des étoiles qui ont été établies par les gens qui connaissent bien les étoiles et tout ça parmi les imams de l'islam, et ceux-là on ne doute pas en leur on ne doute pas dans leur intérêt pour les questions religieuses. Et on ne dit pas non plus dans leur connaissance et dans la connaissance qu'ils ont. Et on croit en ce qu'ils ont dit, ils se basent sur leur connaissance des étoiles et donc on leur fait confiance parce qu'on sait que c'est des gens qui ont une bonne religion, qui ont une bonne connaissance, c'est-à-dire ils sont des bons musulmans et qui ont une bonne connaissance et on fait confiance à leur haine et ils ont bien étudié les étoiles, alors ils sont capables de savoir les positions des étoiles pour essayer de déterminer la direction de la Qibla. Et donc, si on utilise les étoiles pour cette raison-là, dans ce cas-là, c'est correct. Après, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali et il dit « وَالْمَأْذُونُ فِي تَعْلِيمِ عِلْمِ التَّثْمِيرِ لَا عِلْمِ التَّأْثِيرِ فَإِنَّهُ أَيْ عِلْمِ التَّأْثِيرِ فَاطِلٌ مُحَرَّمٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ أَمَّا عِلْمِ التَّثْمِيرِ فيتعلم ما يحتاج إليه من الاهتداء ومعرفة القبلة والطرق وهو جائز عند الجمهور. انتهى. الشيخ الإمام ابن رجب دي كيف يترمي لا كونيسانس او سيي دي ايتوال سي دو كونيت يعني pour dans de l'étudier pour connaître la direction et non pour connaître les influences des étoiles sur les êtres humains comme prétendent les astrologues. Parce que ilm al-ta'thir, il dit l'astrologie, ça c'est batil, c'est haram, que ce soit d'en connaître beaucoup ou peu, c'est haram, et en ce qui concerne de connaître les étoiles pour, dans le but de se diriger, et qu'est-ce qu'on a besoin de connaître pour savoir la direction de la Qibla et des choses de ce genre, alors il dit ça c'est permis selon la majorité des savants. Après il dit « وكذلك تعلم منازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك على القبلة وأوقات الصلوات والفصول ومعرفة الزوال. Donc de la même catégorie, yani c'est permis aussi de connaître les positions du ciel et du soleil et de la lune et de connaître les différents étapes de la lune et tout ça pendant le mois pour connaître aussi les heures des prières pendant la journée et pour connaître le moment où le soleil est au zénith, des choses comme ça. Donc tout ça c'est permis d'étudier le ciel et les astres pour essayer de connaître ça. Après l'imam al-Khattab il est mentionné encore une fois et il dit « أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا أكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء ونحو الأفق الغربي، وهذا علم يصلح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مادته ومراصدته. انتهى كلامه. Donc, qu'est-ce que le chef il explique? Il dit que justement, le connaître la science des astres et de tout ça, dans le but de connaître les chemins et d'avoir la connaissance de quand est-ce que le soleil arrive au zénith, pied pour connaître la Qibla. Alors, il dit tout ça, ça ne fait pas partie de ce qui a été interdit de connaître. Parce que par rapport à, ce n'est rien de plus que de regarder la position de l'ombre, et à partir de la position de l'ombre, on est capable de savoir qu'est-ce qui, où est rendu le soleil, puis combien de, qu'est-ce qui reste de la journée, quand est-ce que le soleil va être au milieu du ciel et tout ça. Donc, et ça c'est quelque chose qu'on est capable de savoir juste en regardant, même si on peut, il dit même, les gens qui s'occupent de ça et qui sont spécialisés là-dedans, ils ont même fabriqué certains instruments qui nous permettent même de pouvoir calculer ces choses-là facilement, même sans avoir à étudier certains détails dans cette science. Après, Rawa ibn al-Munzir, al-Mujahid, أنه كان يرى لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر. Donc, il mentionne qu'est-ce que Ibn al-Munzir a rapporté de Mujahid. Et Mujahid, je pense que Mujahid était aussi un élève de Ibn Abbas ou de Ibn Mas'ud, donc un des tabi'in. Et il dit que Mujahid ne voyait aucun problème du fait qu'une personne étudie les étapes de la Lune, ou les quartiers, les divisions de la Lune et des choses comme ça. Après, il dit, وَبَعْدْ فَإِنَّ عَقِيدَةَ الْمُسْلِمِ هِيَ أَعَزُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ لِأَنَّ بِهَا نَجَاتُهُ وَسَعَادَتُهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى تجنب ما يسيء إليها أو يمسها من الشركيات والخرافات والبدع لتبقى صافية مضيئة وذلك بالتزام الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح ولا يتم ذلك إلا بتعلم هذه العقيدة ومعرفة ما يضادها من العقائد المنحرفة لا سيما وأنه قد كثر اليوم في صفوف المسلمين من يحترف التجديل والشعوذة والتعلق بالقبور والأضرحة لطلب الحاجات وتفريد الكربات كما كان عليه المشركون الأولون أو أشد إضافة إلى اتخاذ السادة وأصحاب الطرق الصوفية أربابا من دون الله يشرعون لأتباعهم من الدين ما لم يأذن به الله فلا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le chef il termine ce sujet en faisant donc on va écouter la Allahu Akbar Allahu والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. Donc le frère il m'a mentionné pendant le Adhan que Haifun A'imma, ça venait dire l'injustice des dirigeants ou quelque chose de genre. Donc ça c'est ce que le frère m'a mentionné. Donc ça voudrait dire que parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que ce qu'il craint le plus pour sa umma, parmi les choses qu'il craint le plus pour sa umma, c'est qu'il croit aux étoiles, qu'il nie al-qadar et qu'il ait l'injustice des dirigeants. Donc c'est ça la signification. Et c'est rapporté par Ibn Humayd. C'est possible que le hadith, il faut vérifier l'authenticité, parce que ici il n'a pas été mentionné le hadith, est-ce qu'il est authentique ou non. Donc on va vérifier ça. Et puis, donc on continue pour terminer le sujet. Qu'est-ce que l'imam, le cheikh Fawzan a dit pour terminer? C'est comme si en même temps il donne une sorte de nasiha aux musulmans, en même temps il donne sorte de conseil aux musulmans général, et il dit que la croyance du musulman, c'est la chose qui est la plus chère pour lui, c'est la chose la plus importante pour lui. Parce que pourquoi c'est la chose la plus importante pour lui? C'est parce que c'est en fait, c'est de ça que dépend son succès et son bonheur. Sans une aqida qui est correcte, tu ne peux pas rentrer au paradis, et tu es voué à l'enfer. Donc, c'est pour ça que le plus important dans l'islam, le plus important dans la religion, c'est d'avoir une aqidah qui est en accord avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Donc, c'est pour ça que le cheikh dit. Et le cheikh dit, فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْرِصَ. Et donc, il est obligatoire pour le musulman de faire d'avoir un envie fort, un intérêt très très fort pour s'éloigner de tout ce qui est mauvais ou qui pourrait nuire à cette aqida, et de s'éloigner de tout ce qui pourrait nuire à sa croyance, hein, et de s'éloigner aussi de tout ce qui pourrait toucher à son aqida ou à sa croyance parmi les shirkiyat, les actes de shirk, ou parmi al-khurafat, les superstitions, et al-bida, les innovations, les choses qui sont inventées par certaines personnes et qui n'ont aucune référence ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans les actions des Sahaba. Donc ces choses-là font partie des innovations et on doit s'en éloigner. Après, le cheikh il dit لتبقى صافية مضيئة, يعني pour que notre aqida reste pure et qu'elle reste claire, يعني éclairante, éclairée. Il faut s'éloigner de ces choses-là. وذلك بالالتزام الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح. Et donc, il dit la façon d'être certain que notre aqida va rester pure et qu'on va être, يعني sur le droit chemin, c'est de s'accrocher et de suivre Al-Qur'an et la Sunna, et de suivre ce que suivait aussi As-Salaf al-Salih. Et As-Salaf al-Salih, c'est qui? C'est nos prédécesseurs pieux, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés parmi les Sahaba et les Tabi'in, les élèves des Sahaba, et ceux qui les ont suivis ensuite. C'est pour ça que le prophète a dit « خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » La meilleure des générations, c'est la mienne, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Donc, ça, c'est les trois premières générations, et c'est pour ça qu'on les appelle Al-Qurun, Al-Thalatha, Al-Mufaddala. Les trois premières générations qui ont été les préférées. Et donc, de se baser sur ce qui vient de ces trois générations-là, c'est parce que ce qu'ils faisaient était plus solide et plus proche de la Sunna. Et après, le cheikh il dit, et ça c'est pas possible non plus, لا يتم ذلك إلا بتعلم هذه العقيدة. C'est pas possible de purifier notre aqida et de la garder propre sans étudier cette aqida. Si on ne l'a pas étudiée, on ne peut pas la connaître. On ne peut pas donc la garder pure et la garder propre. C'est obligatoire de la connaître. ومعرفة ما يضادها من العقائد المنحرفة. C'est pas suffisant juste de connaître l'aqida elle-même et de savoir يعني quel est vrai. Il faut aussi savoir ce qui la contredit, ce qui vient en contradiction avec cette aqida. Parce que beaucoup de musulmans de nos jours connaissent la foi en Allah, connaissent la foi aux anges, aux livres, aux messagers, la foi au yawm al-akhir et al-qadr, khayrihi wa sharri, sauf qu'ils ignorent tout ce qui a rapport avec ou tout ce qui est contraire à cette aqida. Ils savent pas les différentes bid'a, les différentes formes d'égarement qui ont été inventées après et qui peuvent faire tomber beaucoup de musulmans dans l'égarement. Donc, lorsqu'ils ignorent ces choses-là, eh ben, c'est très facile après pour quelqu'un qui est dévié de venir vers eux et de les inciter à les suivre parce qu'ils n'ont pas de connaissance de ce qui est contraire. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a toujours mentionné dans le Coran, Sabil al-Mu'minin, et en même temps, il nous a ensuite donné des exemples de Sabil al-Mujrimin, pour qu'on soit capable de distinguer. Et on connaît toujours quelque chose mieux lorsqu'on connaît son contraire. Donc, si tu veux connaître la lumière, tu dis c'est le contraire de l'obscurité. Si tu veux savoir c'est quoi la chaleur, tu dis c'est le contraire du froid. Donc, si tu veux savoir c'est quoi al-Tawhid, tu dis c'est le contraire du shirk. Si tu veux savoir c'est quoi la sunnah, c'est le contraire de la bid'a. Et lorsque tu sais que toutes les choses comme ça par leur contraire, ça t'aide à comprendre un peu mieux. Mais les musulmans qui connaissent seulement l'aqida, mais qui ne connaissent pas les choses qui sont en contradiction avec l'aqida, c'est très facile pour eux de se dévier et de quitter la sunnah. Après, le cheikh il dit « وَلَا سِيَمَا أَنَّهُ قَدْ كَفَرَ الْيَوْمِ فِي صُفُوفِ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَحْتَرِفُ الدَّجَّالِينَ وَالتَّجْجِيلِ وَالشَّعْوَذَا وَالتَّعَلُّقِ بِالْقُبُورِ وَالْأَضْرِحَةِ » Yani, il y a beaucoup de musulmans de nos jours qui s'attachent aux charlatans et aux gens qui prétendent être des awliya ou qui prétendent être des prophètes ou autre chose, et qui s'attachent aussi aux tombeaux et à ce genre de choses-là. Ils vont aux tombes des morts et ils demandent aux morts des choses au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il demande de les guider, de les aider, d'éloigner d'eux les choses qui sont mauvaises. Et ils font exactement ce que les mouchriquins, du temps avant l'islam et avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils faisaient avec les idoles. Eux, ils le font exactement la même chose, excepté qu'ils disent qu'ils sont musulmans, et excepté qu'ils vont, au lieu d'aller voir des idoles, ils vont voir des tombes, et ils demandent aux morts, au lieu de demander à Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en plus de ça, ils prennent aussi les gens qui, ils prennent aussi les gens des turcs soufis comme des seigneurs en dehors d'Allah. C'est-à-dire les chouyouks des soufis, ils les prennent comme étant des seigneurs en dehors d'Allah et ils les obéissent dans tout ce que ces gens-là leur demandent de faire, de bid'a et de toutes les choses qui sont contraires à la sunna. Et il leur légifère des choses dans la religion que Allah n'a pas permis. Ils font toutes sortes de bid'a. Et il leur ordonne aux gens qui le suivent de les imiter et de les suivre et de les obéir dans ces choses-là. Donc le cheikh il dit فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يعني subhanallah. Et ceux qui viennent des pays musulmans qui sont remplis de turq soufiya, des choses de ce genre, ils savent de quoi ils parlent. Ils savent comment ces choses-là sont mauvaises pour l'islam et pour les musulmans. Et comment ça les éloigne de la sunna et de la voie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va terminer ici pour aujourd'hui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Merci à faire des commentaires ou des points à mentionner. Inch'Allah, on peut discuter avant le début de la prière, inch'Allah.